La petite Marianne, extrait des petits contes alsaciens écrits par Jules Girardin, lu par Armen pour audiocité.net. Je fus appelé par mes affaires il y a quelques années dans un village d'Alsace, assez voisin de Fröschwiller. La terre était couverte de neige, le ciel sombre et bas. J'étais fort maussade à l'idée de passer tout un après-midi dans une petite chambre d'auberge, en tête-à-tête avec moi-même. Je finis par descendre à la salle commune, tant je me sentais en disposition de broyer du noir. Je n'étais pas descendu depuis un quart d'heure que je vis entrer un homme de haute taille, à grande moustache blonde, coiffé d'un bonnet de fourrure et confortablement enveloppé dans une bonne houppelande. Il marcha droit au comptoir, où je vis qu'on l'accueillait avec une distinction particulière, échangea quelques mots à voix basse avec la maîtresse de la maison et lui remit un journal français dont je pus apercevoir le titre. Je me dis tout de suite que j'avais déjà vu cette figure-là quelque part. En se retournant pour partir, il jeta les yeux de mon côté et, sans hésiter un instant, poussa une exclamation de joyeuse surprise. Puis il vint à moi en me tendant les deux mains. « Ce brave Wurtz, » dit-il. Je le reconnus aussitôt. C'était mon ancien camarade Kranz qui avait fait toutes ses classes avec moi au lycée Charlemagne. Il s'assit en face de moi et nous commençâmes par-dessus la table une de ces conversations sans suite et sans fin où les points d'interrogation, les points d'exclamation et les poignées de main jouent un si grand rôle. Quand nous eûmes repris un à un tous nos souvenirs du vieux temps et passé en revue la liste de nos anciens camarades de collège, il me demanda tout à coup si je n'étais pas surpris de le voir encore dans le pays après l'option. Je n'avais pas songé à cela et sa question m'embarrassa un peu. « Je reste, me dit-il du ton le plus sérieux et le plus grave, et plusieurs autres restent comme moi, parce que, ici, il se pencha à mon oreille et me dit quelques mots à voix basse. Il n'est pas nécessaire que je les répète ici. Tout ce que je puis dire, c'est que je répondis à sa confidence en lui serrant la main avec respect et en lui disant, loin de te blâmer, je t'admire de toute mon âme. Tu es un brave cœur. C'est peut-être vrai, me dit-il avec un grave sourire. Puis sa figure reprit son expression de bonhomie habituelle, et il ajouta, en ma qualité de brave cœur, je t'emmène dans ma cabane, et je te garde le plus longtemps possible, sans toutefois faire tort à tes affaires. Madame Héberlé, je vous prends monsieur, c'est un vieux camarade, et vous comprenez. Si je comprends, répondit l'hôtesse sans témoigner aucune mauvaise humeur de se voir enlever une pratique. Si je ne comprenais pas, monsieur Kranz, alors j'aurais donc une tête d'allemand. Ici, elle se mordit les lèvres, regarda autour d'elle et se mit à rire en disant « C'est bon, nous nous comprenons, nous autres ». Aussitôt que Hans sera entré, il portera chez vous la valise de votre ami. Au revoir, monsieur Kranz. Bonjour, monsieur. La maison de mon ami était une charmante maison, et sa femme une charmante ménagère, qui me fit le plus cordial accueil et disparut ensuite discrètement dans la direction de l'office. Son mari lui avait dit en entrant, « C'est l'ami Wurtz, Valentine. Nous mettons les petits plats dans les grands. » Pendant que nous nous chauffions en causant auprès du poêle, la fille aînée de Kranz, la petite Marianne, nous écoutait attentivement. Je fus frappée de l'expression sérieuse et douce de sa physionomie. Comme je me demandais quel âge elle pouvait avoir, je sentis quelque chose comme si une personne cachée sous ma chaise allongeait le bras et me pinçait le bas de la jambe gauche. Kranz sourit en voyant ma surprise et me dit en manière d'explication « C'est le zouave ». La petite Marianne partit d'un joyeux éclat de rire et frappa dans ses mains en disant « Oh, le vilain zouave !» Le zouave était un corbeau apprivoisé qui, jaloux de l'attention qu'on me prêtait et furieux d'être laissé si longtemps dans l'ombre, avait trouvé cet ingénieux moyen de rompre l'entretien et d'attirer l'attention. Il fit entendre une espèce de rire moqueur et sauta sur la table tout près de mon coude. Pendant qu'on me racontait son histoire, il resta la tête baissée, cherchant dans la profondeur de sa mémoire pour voir si le narrateur ne s'écartait pas de la vérité. Il avait assisté à la bataille de Frechwiller, perché sur le sac d'un zouave. Le zouave blessé avait été reçu et soigné dans la maison de Kranz. Le corbeau s'était pris pour la petite Marianne d'une étrange affection, et le zouave, en partant pour les prisons d'Allemagne, l'avait laissé comme un souvenir de reconnaissance. « Il est joli, bien joli, le zouave, » dis-je en avançant la main pour le caresser. Le zouave accepta le compliment, mais il esquiva la caresse. Il trouva sans doute que je prétendais pénétrer trop vite dans son intimité. Il prit donc un air de pruderie effarouchée, reculant à petits pas, comme un danseur prétentieux que l'on applaudit, et me dit avec une dignité grotesque « Weder bezef, togar makash ». C'était du sabir qu'il avait appris au régiment et que l'on pourrait traduire ainsi « Admirez-moi, mais ne me touchez pas ». « Je vois, dis-je en riant, que le zouave est un personnage bien élevé. Il en sait long, reprit Kranz, et Marianne sera heureuse de faire valoir son élève. » Marianne ne demandait pas mieux, et je découvris alors que le zouave avait pour certains peuples et pour certains personnages des sentiments de sympathie ou d'antipathie très prononcés. Quand on lui disait certains noms, il faisait entendre les quatre premières mesures de la fanfare de son régiment et sautait de joie en écartant les ailes. Il lui suffisait d'en entendre certains autres pour hérisser toutes ses plumes et frapper de son bec le plancher avec fureur. Après quoi, il s'en allait bouder dans un coin. Je m'amusais beaucoup de ce petit manège. Marianne rougissait d'orgueil. Tout à coup, elle dit à son père « C'est l'heure des oiseaux. Fais, fais, Wurtz te le permet. »« Zouave, » dit Marie, « va chercher le goûter de tes petits cousins. » Le zouave sauta prestement sur le dressoir et y prit avec son bec un gros morceau de pain que Marianne se mit à émietter dans un coin de son petit tablier. Quand il en tombait une miette par terre, le zouave la ramassait avec la diligence d'une bonne ménagère et la remettait parmi les autres avec les scrupules d'un honnête homme. « Allons les appeler, » dit Marianne. Le zouave sauta sur l'appui de la fenêtre et frappa discrètement la vitre de son bec. Quand Marianne eut ouvert la fenêtre, il fit quelques pas en avant dans la neige et cria « Allons les petits, petits, petits !» Rien ne bougea. Il n'en parut pas surpris et regarda tranquillement de mon côté comme pour me dire « Et vous, est-ce que cela vous étonne ?» Puis Marianne le regarda. Il regarda Marianne et il parut attendre un signal. « Une, deux !» dit l'enfant. Et après une courte pause, elle ajouta « Trois !» Le zouave renversa sa tête en arrière, ferma les yeux et ouvrit le bec, pendant que sa gorge se gonflait et que les plumes de son cou se hérissaient. Ayant ainsi ramassé toutes ses forces, il cria d'une voix éclatante « Vive la France !» Après cela, Il rentra dans la chambre pour laisser la place à Marianne et se mit à danser dans un accès de folle joie. Aussitôt, les arbres et les buissons glacés semblèrent s'animer et l'on vit des moineaux qui paraissaient d'un gris terreux sur la neige sauter de branche en branche. Un vieux friquet, plus hardi ou plus gourmand que les autres, se précipita vers la fenêtre et, en se balançant sur ses ailes, se tint comme une grosse mouche à deux pieds de la figure de Marianne. « Celui-là s'appelle Falsbourg, » me dit-elle à demi-voix. Elle jetait à Falsbourg des miettes qu'il attrapait au vol avec la dextérité d'un escamoteur. Un moineau arriva, puis deux, puis trois. « Je ne vois pas Strasbourg, » dit la petite Marianne avec l'inquiétude d'une bonne petite maman. « Est-ce qu'il lui serait arrivé quelque chose ?» Elle se pencha un peu au-dessus des autres oiseaux qui ne bronchèrent pas, et appela « Strasbourg ! Strasbourg !» Strasbourg parut enfin, les plumes en désordre, et s'abattit si brusquement parmi les autres convives que Thionville indigné se mit en boule pour occuper plus de place et l'exclure du festin. Marianne fut obligée d'intervenir et de repousser doucement Thionville. Strasbourg avait perdu une notable partie de sa queue, d'où je conclus qu'il était tombé dans quelque embuscade ou qu'il venait de soutenir une violente discussion politique. Belfort et Beach arrivent toujours les derniers, me dit la petite Marianne, mais ils ne tarderont pas beaucoup. En effet, au bout de quelques minutes, deux pigeons magnifiques vinrent s'abattre sur la petite barrière de bois en faisant des grâces. Voyez-vous le roi de Tulé ? Me dit-elle en me montrant un vieux merle d'assez triste apparence qui voletait à travers les buissons sans oser s'approcher de la fenêtre. Il est plus sauvage que les autres et ne vient jamais que quand tout le monde est parti. Je ne l'aime pas beaucoup, ajouta-t-elle d'un ton confidentiel. « Vous voyez aussi que maman ne lui a pas donné un joli nom comme aux autres. Mais il a l'air si vieux, si malheureux de n'avoir point de famille ni d'amis. » Elle était gentille à croquer en disant cela avec tout le sérieux d'une petite femme. « Ferme la fenêtre, ma chère mignonne, » lui dit doucement son père. « Voilà maman qui apporte ta petite sœur. » Madame Kranz entra, portant sur son bras un bel enfant d'un an à peu près. « Comment s'appelle cette belle fillette ? » demandai-je à Madame Kranz. « Chut !» dit mon ami à sa femme, et il ajouta en souriant, « C'est le zouave qui va le dire. Zouave, ici, mon garçon. Écoute-moi bien. Dis à monsieur comment s'appelle ta petite sœur. » Le zouave marmotta je ne sais quelle réflexion d'une voix rauque et ne voulut pas répondre. Kranz se mit à rire et dit à la petite Marianne « Demande-le-lui, mignonne. » Marianne lui passa la main sur le dos et lui montra sa petite sœur. Puis elle lui demanda « Notre petite sœur, comment s'appelle-t-elle » « France, » répondit le corbeau d'une voix flûtée. « C'est vrai, » dit Kranz en me regardant d'un air de triomphe, « elle s'appelle France. » Puis, se tournant vers la petite enfant, il lui baisa la main avec passion en disant « Pauvre chérie, va !»